J'ai encore besoin de mon sac à sympathie ce matin. Ah oui? Ouais. Faut que je check s'il y en a pour une madame qui me raconte une histoire triste dans le Journal de Québec. Ouais. Ouais, en tout cas. Je me dis rien à faire, là. Une dame d'origine tunisienne. Elle a 30 ans. Elle s'appelle Rabah El Hadjaoui. Et elle est dégoûtée par l'intolérance des Québécois envers les femmes voilées. Elle a choisi de quitter la ville de Québec pour s'installer au Nouveau-Brunswick, qu'elle qualifie de plus accueillant envers les minorités visibles. Rabah El Hadjaoui a profité d'une bourse du gouvernement tunisien pour venir terminer des études en communication à l'Université Laval. Après 5 ans, elle dit garder un goût amer de ses interactions avec les Québécois. En entrant dans un restaurant, dit-elle, les gens étaient incommodés. C'était aussi difficile de faire une promenade avec mon mari. Les gens nous regardaient comme si on était des extraterrestres et les regards nous suivaient. Au restaurant, je mangeais les yeux dans ma soupe. J'ai pleuré plusieurs fois à Québec. Franchement, les gens sont si méchants. Elle est pas bien à Québec, elle? Elle est pas bien à Québec. Elle veut s'en aller au Nouveau-Brunswick? Mm-hmm. À quelle place? À Edmundston, à Fredericton, à Bathurst? Tu écris? Un petit peu, je cherche. Non, il n'y a pas l'endroit précis. Ah non? Non. Le Nouveau-Brunswick, ça, c'est un endroit où il y a énormément de tolérance. Énormément de tolérance. Est-ce qu'il y a des vols Québec-Fredericton? Ça existe-tu sur l'aéroport? J'ai déjà pris un vol similaire, là, mais je pense qu'ils font des spéciales. Québec-Bathurst à l'aéroport, ça existe-tu, ça? Québec-Moncton, parce que ça pourrait être le fun, ça irait plus vite qu'en char. Ouais. Ça existait, tu sais. J'ai quasiment le goût d'aller faire sa valise. Ça pourrait être rapide. Je serais même prêt quasiment à ramasser de l'argent pour l'aider à partir rapidement vers Moncton. Si une femme qui décide de se voiler le visage ne comprend pas le malaise que ça peut susciter dans un pays où la femme est l'égale de l'homme, qu'est-ce qui doit arriver? Il y a deux scénarios. Ou le pays au grand complet s'adapte à la madame, ou la madame s'en va. Ben c'est ça. On va vous souhaiter un bon voyage. Mais sais-tu quoi, je vais te faire une prédiction. Mm-hmm. Si vraiment elle quitte la ville de Québec parce qu'on n'est pas assez tolérant, puis qu'elle pense qu'au Nouveau-Brunswick ils vont être plus tolérants, je te fais une prédiction, c'est qu'elle va revenir. Ou elle va aller ailleurs parce que ça sera pas différent au Nouveau-Brunswick. C'est parce qu'à Edmundston, t'es-tu déjà allé à Edmundston? Non. C'est assez blanc uniforme, hein? C'est pas mal plus qu'à Québec, là, encore. Là. Si on pense qu'à Québec, on est blanc uniforme, là. Edmundston, c'est pas mal ça aussi, là. Bathurst aussi, là. J'ai du drôle de linge dans ma garde-robe. Mm-hmm. OK? Entre autres, j'ai une chemise mauve. Oui. Okay? Ben, elle ressemble à une chemise des Lakers. Oui. Chemise du film Clerks que j'adore, mais elle est mauve. D'ailleurs, okay? C'est quelle équipe ton chandail de baseball, le matin? C'est quoi cette équipe-là? C'est pas une vraie équipe. C'est l'équipe Burton. C'est une chemise de baseball de Disney. OK. T'as du linge bizarre. J'ai du linge bizarre. Mais tu sais, je décide de porter du linge bizarre parce que j'aime ça, parce que ça me représente, c'est ce que je suis. OK? Si je m'en vais chez Desjardins, à la file, à la caisse populaire, si je m'en vais au centre d'achat, si je m'en vais à l'épicerie, puis que du monde me regarde bizarre parce que j'ai du linge bizarre, c'est-tu de la faute au monde ou c'est de ma faute à moi? C'est pas mal de ma faute à moi. Je choisis de mettre une chemise mauve. C'est sûr que les regards vont se crocher puis que le monde va me regarder bizarre. Je dois assumer la responsabilité de mes choix. Moi, j'ai rien contre les musulmans. J'habite dans le quartier à Québec où il y a le plus de musulmans, à Sainte-Foy. C'est pas mal là, il y en a le plus. C'est sûr que quand on envoie un à l'épicerie, on le regarde. C'est pas qu'on l'aime pas, puis c'est pas qu'on est anti-musulman puis qu'on est raciste, mais on le regarde. C'est comme quand tu croises quelqu'un handicapé. Exactement. C'est pas parce que tu juges les handicapés, c'est parce que ça détonne un peu de l'uniformité habituelle. Je vais te donner un autre exemple. Un exemple positif. C'est une fille avec des courbes sensationnelles et une poitrine incroyable, se met une jupe et un décolleté quand elle va magasiner ses yogourts à l'épicerie. Tes yeux vont s'en marcher dedans. Ça se peut-tu que je la regarde un peu plus que mon oncle Tommy? Ben oui. Qui est rentré avec sa canuque, puis ses mitaines, puis sa tuque, puis il fait ça vite. C'est sûr que je vais regarder la fille avec une poitrine, un décolleté puis une jupe. Oui. Elle attire mon regard. En fait, elle détonne sur l'entourage. Il y a un été, il y a 2 ans, je suis allé me baigner. Il faisait 35 degrés. J'arrive à la piscine à Sainte-Foy. Et une qui embarque tout habillée dans la piscine avec son, avec son voile sur la tête puis sa robe jusqu'aux chevilles dans la piscine. C'est sûr, je l'ai regardé. Aurais été en jogging puis tu l'aurais regardé pareil parce que t'aurais dit, mais ça, voyons. Ben, elle détonnait un peu, je te disais, dans la piscine à 35 degrés, habillée de la tête aux pieds. Je te dirais qu'elle détonnait un petit peu. Dans un pays où la femme n'a pas à se voiler pour montrer qu'elle est dominée par sa religion ou par son mari, ça détonne une femme voilée. C'est normal. Oui. Si tu décides de te voiler dans un pays comme ça, tu dois accepter les regards et tu dois accepter les jugements. Comme une femme qui déciderait d'aller en jupe en Iran ou dans des pays où on ne tolère pas ce genre de comportement. Non, ce qui n'a pas fini. Si elle pense qu'elle s'est rendue de travers à Québec. Bonne chance, ma grande. Bonne chance à Bathurst. Moi, je cherche encore un vol, je te le dis. Pour économiser du temps, ça pourrait aller beaucoup plus vite en avion qu'en char. Partir au Nouveau-Brunswick, là. Ça dit faire que un effort pour qu'elle puisse avoir accès à un avion pour que ça aille rapidement. Là. Elle dit que le jugement des gens la forçait à regarder au sol puis tout ça. Ben moi, en tant que femme, là, je vais avoir une perception différente d'une femme voilée qui marche le menton haut, qui est avec ses enfants et qui a l'air heureuse versus une qui a l'air d'avoir honte de porter son voile. Je vais tirer des conclusions qui vont être différentes aussi. Pauvre fille! J'ouvre mon sac de sympathie. Je regarde ça... Travaille au Québec. Si tu écris sans emploi dans le journal aussi un matin. Elle a un bac en communication, une maîtrise en communication. Oui. Et un doctorat, ben, sans emploi. Ben, comme bien du monde qui ont un bac en communication, je te dirais. Ben, moi, j'en connais beaucoup qui ont des bacs. Ben, ils ont peut-être pas tous des jobs encore, mais ils travaillent quelque part. Ça peut être chez Yellow, ça peut être dans un restaurant, ça peut être au gouvernement, ça peut être n'importe où. Au gouvernement, il y a aussi le fait que quand tu fais partie d'une minorité, t'es favorisé. Fait qu'il y en a beaucoup qui arrivent à se placer en sortant de l'université puis avoir des très bons emplois. Puis là, ça, c'est le plus gros employeur de la ville. C'est de la faute aux autres. C'est toujours de la faute aux autres. Elle n'a pas d'emploi, c'est sûrement parce que les gens sont pas tolérants. Ben, c'est bien connu, il y a pas un musulman qui travaille à Québec. Quand tu prends des choix, quand tu prends des décisions de vie, tu dois les assumer. Si tu décides que tu es une femme voilée au Canada, attends-toi de faire regarder un peu. C'est juste normal. On est rendu ailleurs. C'est pas nécessairement du mépris là. C'est pas du mépris. Ça détonne quelque chose c'est qui ça. Détonne un gars pas de bras à l'épicerie. Il s'attend à ce que je le regarde pas. Roux, tu vas le regarder. L'être humain est fait comme ça. Ce qui détonne, ça suscite la curiosité. Est-ce qu'il a besoin d'aide pour faire ses valises ce matin? As-tu besoin d'aide? J'irai pas jusque-là, là. Mais je lui souhaite bon voyage. Puis je lui souhaite bonne chance. Parce que c'est elle qui manque d'ouverture. Si ça me dérange que les gens me regardent parce que j'ai une chemise mauve, j'ai juste à pu mettre ma chemise mauve. Si ça m'énerve, si je suis assez fier de ma chemise mauve, puis de mes convictions de chemise mauve, des drôles de convictions, vous allez me dire, je vais passer par-dessus les regards, passer par-dessus le jugement. T'as trouvé l'être ma chemise? Fuck off! Ouais, mais il y a une réalité, par contre. Je pense que on a aussi à s'ouvrir l'esprit, nous autres, les gens de Québec, puis quand on les voit, faut les respecter, puis tout ça. Là. On a à s'ouvrir l'esprit. Mais c'est-tu quoi on le fait? Ben oui, on le fait. On le fait. On est ouvert d'esprit, je pense, à Québec. C'est pas invivable. Il y a des mosquées à Québec. Ça. C'est pas vrai que c'est invivable pour les musulmans à Québec. Au contraire, je pense que c'est un bel endroit pour s'épanouir. Ben c'est une des raisons Sainte-Foy est rendu un endroit où ce que t'en as partout, t'en passes partout, travaille là-bas, ça a des épiceries. Pas de problème avec ça. À Québec, une femme voilée se fait regarder à l'épicerie comme une femme avec un décolleté puis une maudite belle poitrine, comme un gars pas de bras, comme quelque chose qui détonne. Parce que ça attire l'attention puis ça attire le regard. Il y a un accident sur le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On ralentit, on regarde. Pourquoi? Parce que quand on passe là 30 fois par semaine, il n'y en a pas d'accident d'habitude. Le people watching est notre activité préférée. Oui. On va au centre d'achat pour regarder le monde. On croise les gens puis on porte attention à toutes les fois puis on se fait un jugement. Mais si tu n'es pas capable d'endurer ça, premièrement, tu ne seras pas capable ailleurs. Puis deuxièmement, bonne chance dans la vie si tu n'es pas capable d'assumer tes convictions mieux que ça. Hello Radio X, comment ça va? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu ce matin votre discussion sur la femme voilée, là. Oui. Vous avez complètement raison, j'estime que vous avez complètement raison d'apporter votre opinion quand vous le voulez, là. Entre parenthèses, je suis d'origine musulmane. Oui. Et je ne forcerai pas ma future femme, si vous voulez le savoir, à porter le voile, parce que le voile n'est pas vraiment, je ne pense pas à travers tout sur la religion musulmane, je suis comme tout le monde, j'aime bien vivre, là. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que porter le voile a le sens que vous avez donné à l'antenne, c'est-à-dire à tout le monde, là, et que je ne suis pas surtout d'accord quand vous dites on lui paiera un billet d'avion pour aller loin de Québec. C'est elle qui veut partir. Quand même, je trouve que ça, c'est dégueulasse de votre part. Non. Attendez, là. C'est elle qui veut sacrer le camp. Moi, là, regarde, je suis prêt à y payer, là, regarde. Sérieusement, là, c'est elle. Elle pense qu'elle va être mieux au Nouveau-Brunswick. Bye-bye! Bye-bye! Merci, bonsoir. C'est pas ça, monsieur. C'est pas la question qu'il faudrait peut-être se poser. Elle a été quand même sélectionnée par le gouvernement québécois pour arriver ici. Ça veut dire que le gouvernement ou les services concernés du gouvernement québécois ont estimé qu'elle peut apporter une valeur ajoutée à la société québécoise. Alors pourquoi ça n'a pas été fait dès le départ, en amont, je veux dire? Ben, c'est comme quelqu'un qui arrive, c'est comme quelqu'un qui arrive ici. Si je m'en vais en Alberta, moi, puis que je suis pas bien en Alberta, même si le gouvernement m'envoyait là pour étudier, je décide que je suis pas bien en Alberta, je m'ennuie de ma famille, j'aime pas les gens là-bas, je suis allergique aux montagnes, quelle que soit la raison, si je suis pas bien, je m'en vais, puis ça finit là. Oui, mais vous avez pas le droit de dire on va lui payer un billet d'avion. Je trouve que c'est très dégueulasse de votre part et que autant que journaliste, premièrement, on n'est pas des journalistes, on est des animateurs, on émet des opinions. Deuxièmement, je lui rends service. Elle veut s'en aller. Elle m'accuse et elle nous accuse d'être intolérants. Moi, je trouve ça normal que les gens regardent quand une femme se voile à l'épicerie. Non, faudrait, c'est un réflexe humain. Faudrait encaisser, Denis. Faudrait encaisser. Non, il y en a pas question. C'est ça que vous dites, hein. Ah, il est parti. Ça se raccroche. Ouais. C'est bien de valeur, là. Elle veut s'en aller au Nouveau-Brunswick. Bye bye. Salut! Ben oui. Bonne chance à Bathurst et bonne chance à Moncton et à Fredericton. Si elle pense qu'elle va être mieux traitée. Mais. Salut, là. As-tu vu le bouillonnement, là? Tu sais, quand tu touches à la religion avec un grand R, là. Ouais. J'ai pas le droit de vouloir rendre service à quelqu'un qui veut s'en aller. Ah non, faudrait que je me regarde dans le miroir et que je fasse une grande introspection. Hey, on est-tu assez tolérant? On va-tu en revenir à un moment donné? Faudrait encaisser, faudrait se soumettre à ce qu'elle a dit. Hey, faudrait entreprendre, donner une profonde réflexion sur notre attitude à Québec envers les musulmans. C'est ça qu'il voudrait, lui-là. On pourrait le faire. On pourrait le faire là, dans un grand bureau, puis on sortirait de grandes études, de grandes réflexions, de grandes conclusions. Mais pas besoin, selon mes conclusions, je t'ai dit qu'à Québec, on est tolérant. Mais on pourrait faire ça, là. On pourrait faire ça, mais à l'épicerie le dimanche, là, une fille en jupe va encore attirer l'attention, un gars pas de bras va encore attirer l'attention, Gravel avec une chemise mauve fluo va encore attirer l'attention, et une femme qui se voile au complet, qui pense ne pas attirer les regards au Canada, je lui souhaite la meilleure des chances dans notre beau pays. Ça finit là! Salut, là. Salut, c'est elle qui veut partir. Moi, si elle veut rester, elle est bienvenue, là. Imagine-toi, belle fille. Tu veux partir? Out! Quand je vais à l'épicerie, moi, les gens me regardent les seins. Qu'est-ce que tu portes, madame? Ben, je porte une camisole avec un grand décolleté. Mets un poncho! Si tu veux pas que le monde te regarde les seins, mets un poncho! T'as Batteuse, ils vont te regarder pareil. Mais tu fais te faire les boules, mais tout le monde me regarde. Hein, regarder ta planche à repasser, qu'est-ce que je te dis? Les gens me regardent comme un morceau de viande. Ben oui, mais t'es habillé comment, là? Ben, j'ai ma micro-jupe, là, mon string dépasse un peu, pis ça... Ben oui, mais assume-les au moins! Assume tes choix, pis assume tes décisions! Quand je mets une chemise lette, que j'aime, puis que tout le monde me regarde, puis qu'il me passe des commentaires, puis qu'il me regarde tout croche. La moindre des choses, c'est que je les assume, les regards puis les jugements. Je prends une décision. Si je suis fier de mes convictions, je suis fier de ce que je suis. Je m'en fous, moi, que Jérôme me regarde tout croche quand je mets ma chemise mauve de Clerks. Je vais être bien clair, là. Moi, les musulmans, là, sont les bienvenus ici à Québec et au Québec. Ils sont les bienvenus. C'est au-delà de la tolérance, là. C'est l'acceptation. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne seront pas contents, par exemple, là, si vous n'êtes pas satisfait de notre ouverture et tout ça, là, merci, bonsoir. Ça a été belle fun, mais c'est terminé. On s'est chicané avec des auditeurs en disant que moi, une mosquée, ça me dérangeait pas. J'ai pas de problème avec ça. Je n'ai deux côté de chez nous. Ça va bien? J'ai rien contre ça. Bon, ça va bien. Puis bravo, vous êtes acheté des bâtiments privés. Vous faites ce que vous voulez dans la caisse populaire, coin chemin Sainte-Foy. Pour moi, une église, c'est comme un Tim Hortons, c'est comme un McDonald's. Ouais. Bienvenue à tous. Si t'as du monde, opère ta shop. Si t'as pas de monde, ferme-la. Il y a quelqu'un qui va ouvrir d'autres choses. C'est ça. Ça finit là. J'ai aucun problème avec ça. Je suis ouvert aux immigrants comme vous avez pas idée. Mais me faire faire la morale, c'est la tolérance parce que madame se fait regarder croche quand elle est voilée puis qu'elle s'en va à l'épicerie. Attendez un peu, là. C'est le même regard qu'on porte quand quelque chose détonne de façon positive ou négative ou même neutre, mais c'est pas de la couleur que c'est d'habitude. On est de même. L'être humain est de même. ça va être de même à Fredericton, ça va être de même à Bathurst, ça va être de même à Kingston, ça va être de même en Alberta, à Banff, à Jasper, à fucking Vancouver, ça va être de même partout. Pas fini, là, sa chasse aux sorcières. Moi, là, j'accepte pas de me faire dire qu'on est pire qu'ailleurs à Québec. J'accepte pas qu'elle nous dise qu'à Québec, on est moins tolérant qu'ailleurs, parce que c'est pas vrai. C'est bien de valeur, là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. 7h25, allô, Radio X. Hey, salut, bon matin, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Ouais, moi, je suis allé au Maroc il y a 2 ans avec ma copine, puis elle portait une jupe à un moment donné, tu sais, au, on va dire, à la mi-cuisse, là. C'était pas une mini-mini-jupe, là. C'était pas une jupe au... Et on se faisait regarder croche, et on s'est même fait dire que madame devait la s'habiller. On pouvait même pas porter de camisole, parce que là-bas, là, t'as pas le droit de porter le linge que tu veux, mais eux, ici, on leur laisse porter le linge qu'on veut. Moi, c'est ça, je trouve plate un peu avec le débat sur les musulmans, sur les religions, ci et ça. Mm-hmm. C'est qu'ils disent, ah, mais nous, on est supposé d'accepter tout, on est une terre d'accueil, mais quand tu vas dans les pays comme les autres pays, leurs pays, faut se plier à leurs exigences, à leurs lois. La réservation était à mon nom, à moi. Mm-hmm. Elle était pas au nom de ma blonde, mais à l'hôtel, parce qu'ils prenaient pas le nom de ma blonde. T'as deux choix, hein, dans des circonstances comme celle-là. Ou tu te plies aux exigences ou aux demandes d'un pays où la religion, les convictions, le système de valeurs et les règles ne sont pas les mêmes. Ou tu fais à ta tête, mais tu dois t'attendre à des conséquences, à tout le moins te faire regarder de travers une fois de temps en temps, tu sais. Ben, moi, je vais te dire de quoi. Je me suis toujours fait dire, à Rome, tu fais comme les Romains. Ben oui. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si quelqu'un y habituait des roches. Puis effectivement, t'as raison tantôt. Je pense que c'est juste que par curiosité, on pourrait dire pas morbide envers tout, mais tu sais, quand on regarde, mettons, un handicapé ou quelqu'un qui manque des bras, tu questionnes c'est quoi son passé, comme elle disait tantôt, Véro. Mais tu sais, l'autre qui est arrivé tantôt, qui, je respecte sa religion, je respecte sa façon de penser. Par contre, c'est vrai que, bon, vous avez peut-être un petit peu poussé avec l'histoire de payer le billet, mais le point était juste de dire, ben regarde, si t'es pas contente, on accepte que tu sois pas contente. Si tu veux rester, on t'accepte que tu restes. Mais moi, c'est juste que c'est ça qui me ferait. Les gens qui viennent ici, qui imposent leurs valeurs au Québec puis au Canada, mais c'est des gens qui souvent viennent d'un pays où ce qu'il y avait pas de liberté d'expression, où ce que les femmes avaient pas vraiment le droit de parler ou tu sais de dire des choses. Puis ils arrivent ici, bon, mais là, moi, faut que t'acceptes que ça, puis ça, c'est normal, c'est que c'est normal. Non, oui, c'est peut-être normal dans ton coin, mais nous, ici, on aime, tu sais, pas qu'on aime pas ça, mais on n'est pas habitué à ça. C'est juste en fait, ça. Oui, c'est vrai. Moi, quand je vois la burqa au complet, là, mon Dieu, je regarde, je dis, Caroline, comment qu'elle fait pour porter ça? Mais je fais pas comme, hey, t'as-tu vu la conne, puis c'est ça. Non, c'est juste, je porte un jugement de dire, pourquoi qu'elle porte ça, mais c'est bizarre. Mais on a le devoir, je pense, de s'ouvrir un peu puis d'essayer de le tolérer puis de le comprendre. On a ce devoir-là, mais c'est du coup, on le remplit à Québec. On l'est tolérant. Moi, c'est ça que je digère pas. C'est qu'elle vienne nous faire la morale, qu'elle vienne nous dire qu'à Québec, on est moins tolérant qu'ailleurs. Puis ça, ce n'est pas vrai. C'est bien de valeur. Moi, je n'accepterais pas ça. Au Nouveau-Brunswick, là, juste un Québécois est vu comme un étrange. Et t'as tellement raison. Hey, salut, raison. Bonne journée. Salut, bye. Salut. Gab. La phrase de payer le billet d'avion, là, revenez-en, là, c'est une image pour dire si elle veut partir, qu'elle parte. On peut pas la retenir contre son gré si elle pense que la ville de Québec, c'est une ville intolérante. Elle est bienvenue si elle veut rester, hein. By the way, si elle veut rester, là, elle est la bienvenue. Je vais payer son loyer! Hein? Hey, je vais-tu me faire traiter de non? Trouver une job. Moi, l'aider à trouver une job. C'est une bonne idée, ça. On a quelques contacts en communication, nous autres. Elle est spécialisée là-dedans. Elle a un doctorat en communication. Je suis prêt à l'aider à se trouver une job pour qu'elle s'établisse à Québec. Mais si elle veut partir, là, salut. Si tu penses que la réalité va être mieux au Nouveau-Brunswick, ben, salut. On s'en reparlera une autre fois, là, tu sais. Moi, je sais qui a tort pis qui est pas tolérant dans cette situation-là. Est-ce que c'est une ville en entier? Ou c'est une dame qui pense que voilée de la tête aux pieds, c'est anormal que tu te fasses regarder un peu. Je reprends mes exemples. Si je mets une chemise mauve fluo, je vais me faire regarder un petit peu plus que si je mets une veste normale. Si une fille avec des jambes se met une mini-jupe, elle va se faire regarder. Pourquoi les filles sexy sur le tapis rouge aux Oscars attirent plus l'attention qu'un gars smoking avec une barbe? Katy Perry, je veux dire, c'est ça. Hein? Le monde, regardez mon décolleté! Je suis pas contente! Là, chose, tu t'es habillé, tu t'es installé pour qu'on te voie un grand canyon entre les deux, là. Excuse-moi de regarder là. T'as-tu fait un peu exprès? Ça se peut-tu que t'aies fait en sorte qu'on te regarde un peu? Des exemples de religion, live à radix.com, Steve nous sort l'exemple d'une religieuse. Quand elle va porter son voile puis son kit, là, si elle va faire l'épicerie, ça se peut que notre regard accroche dessus parce que c'est pas commun. C'est pas parce qu'on juge la religion, ça n'a rien à voir. Des gens que c'est toujours de la faute de l'autre. faudrait que tout s'accommode au caprice, puis faudrait que tout soit comme eux autres, puis... Tu sais, à un moment donné, c'est pas de même, ça marche. Essayez de faire la loi, vous autres, ailleurs. Exemple ridicule. En Italie, pour rentrer dans certains endroits saints de la religion catholique, on demande aux femmes de se couvrir. Et c'était comme ça au Québec, by the way, en 1960 ouais. aussi. Hein. Mais ouais. C'est encore de même à la basilique Saint-Marc quand ouais. tu vas à Venise. Ouais. C'est encore de même à Rome quand tu rentres au Vatican. Ma mère avait une camisole, là. Ma mère, elle s'était pas habillée sexy pour la ronde, là. Elle faisait 40 degrés, faisait chaud, elle était en camisole. Des messieurs qui sont arrivés, l'air sévère, puis ouais, ben ça va prendre un voile pour rentrer là. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu fais une crise? Tu traites les gens d'intolérants? Non, t'as deux choix. Tu t'adaptes ou tu sors. C'est un des deux. C'est tout. C'est tout. Ou t'endures les jugements et t'endures les regards. C'est de même, ça marche la vie. Bonne chance à cette dame qui trouve qu'à Québec, on est intolérant. Bonne chance. Puis je le dis sans aucune ironie, je le dis de la façon la plus sincère oui. possible. Bonne chance. Puis sincèrement, si elle change d'idée, je suis prêt à l'aider à y trouver une job en communication dans ce domaine-là. Si à part, t'es prêt à lui payer son billet d'avion, puis si oui. elle reste, on est prêt à payer, ou à tout le moins, à essayer d'y trouver une job. Ah oui, ben oui. Pour qu'elle paye son loyer. Partir. Moi, j'ai rien dit, là, matin. J'ai pas appelé le Journal de Québec, moi, pour parler de ce dossier-là, là. C'est elle, là. C'est elle qui s'est avancée en disant qu'elle veut s'en aller. Il est 7h31 à Radio X. J'ai des paires de billets pour le Salon de l'Auto qui va se tenir du 5 au 10 mars prochain au Centre de Foire. 670-9098. 670-9098. Rich va prendre le 8e appel. Le show.